de mai. Quel week-end de folie. Ça a commencé samedi avec la technoparade. Ouais. Ah, j'ai pas oublié que c'était ce week-end, cette connerie. D'habitude, je reste pas à Paris. Et ben là, je me suis fait surprendre. J'étais en train de faire des courses avec Gunther. On cherchait une meule pour lui limer les dents. Et là, boum, en sortant du magasin de meules, on tombe sur tous les furieux, musique à fond et couleurs fluo. Aïe, aïe, aïe, aïe. S'il y a un truc qui rend cinglé mon Gunther à moi, c'est les couleurs fluo. Ça lui rappelle qu'en l'âge de 2 ans, il a été abandonné sur le bord de l'autoroute. Ah, il devait se cacher la nuit, il devait se cacher du personnel de maintenance, habillé avec des bonnes fluorescentes, justement. Comme Gunther se nourrissait de panneaux de signalisation et qu'il bouffait aussi les rivets des glissières de sécurité, les types essayaient de le choper et lui jeter des pierres aussi, c'était l'horreur. Ah, je peux vous dire que samedi, ça a été plutôt folklorique, la réaction de Gunther. Tout doux, mon Gunther, tout doux, reste là, reste là. Oh, il est mignon, c'est quoi comme race? Dégage de là, pauvre con, tu vas te faire bouffer la main. Ah. Gunther, lâche tout de suite la main du monsieur. Rends la main, Ah bah quand même. Ah, désolé, monsieur. Oui, non, là, on peut plus vraiment appeler ça une main maintenant. Bon, je vous la rends quand même, hein, en souvenir. Vous en tirez pas comme ça, je vais porter plainte. Pars-toi, bordel, il va te bouffer la jambe si tu restes là. Au secours. Gentil, Gunther, gentil. Allez, on va re-rentrer dans le magasin. On sortira quand ce sera fini, la technoparade. Oui, oui, si t'es sage, mon Gunther, je t'achèterai un pneu pour le goûter. Bon, allez, ça suffit, on y va. Voilà ce qui s'est passé samedi, mes amis. Demain, je vous raconte comment j'ai vécu les journées du patrimoine. Vous verrez, c'est culturel et intello, mais... Rassurez-vous, il y a aussi du cul. Bon allez, je me sens, je file un coup de main à Daniel Morin pour ce soir. Et oui, il paraît que Daniel Morin, ce soir, il est au réservoir. Ouais. C'est à partir de quelle heure? 21h. Espérons qu'il remplisse le réservoir. Ouais, en général. Comme on dit au fond des préservatifs, bienvenue au fond.